La chronique bien-être. Bienvenue dans l'instant détente sur l'antenne de Radioactive. Vous êtes dans la chronique bien-être et nous sommes en compagnie d'Antoine qui est sophrologue. Bonjour Antoine. Bonjour Marlène. Alors quel est le programme aujourd'hui de cette chronique bien-être ? Alors aujourd'hui on va avoir un peu la tête dans les étoiles, la lune et les planètes. Alors la lune, croyance ou fait scientifique ? Ah justement, grand débat, mais maintenant la science commence à vraiment donner les codes et les explications à ce phénomène lunaire et ses grandes croyances, voilà. On a hâte d'en savoir plus. Eh bah, pour commencer déjà, souvent ce qu'on déclare le plus, c'est que quand il y a la pleine lune, on est énervé, on est agacé, on n'arrive pas à dormir, on est agité, et bah finalement c'est vrai. Ah ah ! En partie. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui est générée par donc nos hormones qu'on a déjà parlé, mais aussi par l'activité de l'eau, du liquide qu'on a en nous. Et comme on sait, la lune, par exemple, la pleine lune, fait en sorte d'agiter les marées plus hautes ou plus basses. Si on a une grosse lune, on a une grosse marée, et ben ça fonctionne un peu comme ça chez nous. On va déceler chez les gens. Donc il y a eu beaucoup de gens testés là-dessus sur plusieurs pays. Différents scientifiques ont pu analyser toutes ces études. On a 30% de diminution du sommeil chez les gens. Donc on a 3 à 5 jours, donc ça peut être 3 jours avant, 2 jours après. Voilà, il y a des gens qui réagissent plus avant, d'autres après. On a jusqu'à, en moyenne, 20 minutes de sommeil en moins et 5 minutes de plus pour s'endormir. Mais ça, c'est une moyenne. Il y a des gens qui mettent 20 minutes pour s'endormir et d'autres 90 minutes vont se lever avant. On dit aussi qu'il ne faut surtout pas s'agiter pendant ces périodes de pleine lune, faut-il le savoir. Mais souvent, on a envie de s'agiter. Mais si on a vraiment envie de garder le calme en nous, quand on est un peu anxieux, quand on a des petites peurs qui commencent à s'installer, même un peu de dépression, c'est des gens, ça leur fait l'effet inverse. Là, il faut justement prendre le temps de calmer. On peut aussi faire un petit peu de sport pour, je dis un petit peu d'activité, pour un peu éliminer, voilà, manger équilibré. Finalement, prendre un bon livre, regarder une bonne petite série et se coucher tôt, c'est bien aussi. Voilà. On a aussi au yoga ce qu'on appelle, les quatre saisons, les quatre quarts de la lune. Donc il y a le premier quart, quand la lune commence à s'illuminer, où on va être plus dans l'introspection de soi. Voilà. Alors ça, c'est une analyse de yoga, de culturel. Mais on peut, si on s'intéresse à ça, s'en servir pour effectivement respecter une sorte de calendrier lunaire mensuel. Donc il y aurait cette introspection au premier quart, où on va plus s'auto-analyser, méditer, voir un peu nos projets, où ils en sont. Après, il y aura donc au deuxième quart la créativité qui se met en place et on sent ce début d'agitation. C'est peut-être le moment où dans le mois on va être le plus actif, pas le plus créatif, mais peut-être le plus actif dans ses projets, dans son sport, dans ses motivations. Voilà, plus de motivation. Plus de tonicité peut-être ? Aussi. Alors tout ça, c'est vraiment propre à chaque personne. C'est-à-dire, il y a des gens, ça va complètement les dépasser. Des gens très terre à terre, ils vont vraiment... se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire de calendrier lunaire, etc. Mais pour des gens qui respectent donc le rythme mensuel de la lune et même les saisons, c'est comme ça qu'on va savoir où on en est par rapport au quart de la lune. Et donc le troisième qui est la pleine lune directement, là en fait on va mettre en place ses projets, on va mettre en place ce qu'on a mis en pratique, ce qu'on a écouté en nous, et on va surtout pas faire ça dans l'agitation. Et c'est pareil, on dit qu'on ne fait pas de prise de décision le jour de la pleine lune, pas de grande décision. On dort dessus, on attend 2-3 jours et après on voit. Et après, donc, il y a la lune descendante et là, on fait le tri, justement. Quand ça descend, on voit après ce qu'on a mis en place, avec ou sans agitation, et on fait le point. Et on recommence petit à petit, voilà. Et tout ça, c'est de l'ordre de l'inconscient, finalement ? Alors, forcément, il y a une horde d'inconscient parce que c'est donc régi par nos hormones, par les liquides, le liquide qu'on a en nous. Donc, on est quand même composé 70% d'eau. Donc, ça, c'est l'horde de l'inconscient. Maintenant, il y a encore une fois l'inconscient qui joue dedans, mais un peu conscient, c'est-à-dire nos croyances. Nos croyances, c'est quoi? C'est-à-dire, avant la pleine lune, on va dire que c'était un peu le symbole du loup-garou. On ne sort pas pendant la pleine lune. Il y a aussi tout un tas de gens qui croient que les femmes qui sont en fin de grossesse vont penser que le jour de la pleine lune, ils vont forcément accoucher. C'est vrai ça. Et Enfin, oui. c'est vrai, il y a plein de gens qui le pensent, Il y oui. a plein de gens qui le pensent, mais par contre, alors ça, fait scientifique, il n'y a pas de rapport direct avec les accouchements et la pleine lune. Il y a par contre une excitation en vue de la pleine lune, due à la croyance, due aussi au fait de l'agitation de liquide en nous, qui fait que peut-être que là, on va déclencher quelque chose. Mais dans ce cas-là, on parle plus de psychologie et pas d'effet physique direct sur la grossesse. Donc, si vous voulez accoucher le jour de pleine lune, restez agité et sinon, restez calme. Est-ce que ce Oui. fait d'agitation, ça peut être aussi lié à la luminosité? Parce qu'effectivement, un soir de pleine lune, il y a évidemment plus de lumière, on a peut-être moins envie d'aller se coucher, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une influence par rapport à ça? Exactement. Les hérissons pourraient vous le dire. Parce que c'est grâce à la Je les lune. questionnerai. Exactement, ils sont très mignons en plus. Grâce à la lune, en fait, ils arrivent à se repérer, mais c'est parce qu'ils ont une agitation beaucoup plus importante, un déplacement beaucoup plus important, comme beaucoup d'animaux d'ailleurs, et on reste quand même des animaux. Et du coup, effectivement, cette grosse luminosité, parfois, surtout quand le ciel est dégagé, apporte une non-envie de se coucher, donc forcément une agitation. Et tout ça, c'est lié à la mélatonine. La mélatonine est directement liée au soleil et à la nuit. C'est-à-dire qu'au coucher du soleil, la mélatonine commence à se mettre en route et elle a son pic d'hormones, donc la mélatonine, en pleine nuit, quand on est vraiment dans le sombre. Et après, elle s'abaisse jusqu'à temps qu'on arrive au taux de cortisol qui va nous éveiller pour pouvoir vraiment ouvrir les yeux, se lever, s'agiter et faire ce qu'on a à faire. Et c'est comme ça qu'ils ont pu savoir, en analysant, en prenant des prises de sang, ils ont vu que le jour de pleine lune, il y avait une régression d'un certain pourcentage que je n'ai pas de mélatonine. Ils ont pu vérifier ça comme ça. Sur 916 personnes sur 1000, il y avait un taux de mélatonine beaucoup moins élevé que quand il n'y avait pas la pleine lune. Et voilà. D'accord. Donc il y a aussi une phrase que j'adore depuis l'adolescence qui est « Nous sommes tous de la poussière d'étoiles ». Je crois que c'était donc Paolo Coelho qui le disait dans un de ses livres, L'Alchimiste. Et il y a en effet quelque chose de vrai, c'est qu'on est tous composés de la même chose qu'il y a dans les étoiles. On a du carbone en nous, on est des atomes, on a des molécules. Et tout ça s'agite de la même façon que nos planètes. Donc on peut encore reparler de yoga dans ces moments-là. On a des saisons dans la planète. Quand vous êtes né, par exemple, au mois de septembre, vous n'allez forcément pas vivre comme une personne qui est née au mois de décembre, comme une personne qui est née au mois de mars. Tout ça, c'est lié au fait que on vous habille pas pareil dès les premiers mois, on vous manipule pas pareil de la même façon du berceau, vous dormez pas pareil les premières nuits. Et tout ça régit votre façon, votre départ en fait éducatif et puis votre façon d'être. Donc effectivement, un jour, il faudra qu'on fasse une chronique sur l'astrologie. Mais oui. Parce que je pense qu'il y a tout un effet scientifique à trouver dans toutes nos croyances. Donc là, le scientifique rejoint la croyance, en fait, si j'entends bien tout ce qu'on a dit là depuis le début de cette émission. Exactement, je pense qu'en fait, dans toute croyance, il y a un fait scientifique qui se cache. Très bien. Petite chose qu'on pourrait rajouter, c'est pareil pendant les saisons. Je le conseille vivement, et ça, dans toutes les cultures thérapeutiques, on peut le conseiller, c'est respecter les saisons. C'est-à-dire en hiver, rester plutôt calme, rester plutôt cocooning, méditer. Et au printemps, commencer à vous éveiller au niveau musculaire, au niveau projet, au niveau sport, si vous en faites. Alors quand je dis sport, c'est tout simplement bouger, hein. Jamais, je ne parle pas de sport intensif. Si vous êtes un grand sportif au départ, rajoutez du sport un peu plus. Si vous êtes juste, assez casanier, tout simplement aller marcher un peu plus ou faire un peu de vélo, plus de découvertes. Plus de sorties, hein, prendre le soleil c'est important, pas que la lune. Et donc c'est ça, respectez bien les saisons. Quand vous voyez que l'automne commence à arriver, comme en ce moment avec beaucoup de pluie, etc., vous pouvez commencer à vous recroqueviller un petit peu, préparer des choses plus chaudes. Et pareil pour l'alimentation. C'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec l'alimentation ? Oui. Il y a des calendriers super pratiques qui sont souvent disponibles en magasin, qui sont les calendriers de légumes saisonniers. Je pense sincèrement que c'est très important, par exemple, de ne pas manger de fraises et de tomates en plein hiver. Il faut respecter les légumes et surtout les légumes locaux, en fait. Parce que vous êtes ici, vous êtes chez vous, et respecter ce qu'il y a autour de vous. Vu la saison, c'est important. Si vous avez plus de légumes racines parce que l'hiver a été plus rude, c'est pas pour rien. Profitez-en, mangez des poireaux, des navets, des radis. Si vous les aimez pas, faites-les en soupe. Il y a plein de façons maintenant sur Internet de trouver comment détourner les légumes pour arriver à faire quelque chose de super sympathique. Pareil pour tout ce qui est protéines. Vérifiez bien, en ce moment, c'est les noix, les amandes, les noisettes. N'hésitez pas, des fois même un repas le soir sans viande, sans jambon, sans œufs et juste des petits fruits secs avec des bons légumes et une bonne soupe. En ce moment, c'est le top du top. Et puis l'été, l'inverse, prenez les légumes du soleil, ça vous rapporte vitalité et sucre pour les activités plus poussées. Et voilà, on respecte les saisons, on écoute en fait ce qui se passe autour de nous, on regarde ce qui pousse et on prend, voilà. Et d'ailleurs, les bons jardiniers se réfèrent pas mal au calendrier lunaire aussi pour tout ce qui est plantation. Oui, ça rejoint exactement ce qu'on disait. Ils sont vraiment, on ne plante pas n'importe quoi, n'importe quand pour les jardiniers qui respectent ça. Il y a vraiment tout un protocole. Donc ça prouve qu'encore une fois, tout est régi par ce qui nous entoure. La lune, les planètes, le soleil, la terre, voilà. On est un tout et ça, faut jamais l'oublier. Ok. Eh bien, merci pour ces explications théoriques. C'est un petit peu l'habitude dans cette chronique. Maintenant, c'est une séquence un petit peu théorique. Exactement. Et puis ensuite, on passe à une petite séance. Exactement. Donc là, cette séance en sophrologie, on l'intitule « La prise de recul ». Donc encore une fois, je vous amène toujours à faire les exercices de base de départ pour vraiment descendre votre niveau de vigilance. Que vous soyez n'importe où, essayez de le faire, ça prend pas beaucoup de temps. Et donc baisser son niveau de vigilance, on ferme les yeux, on va tout simplement enlever le maximum de tension qu'on a en nous pour après faire l'exercice de projection mentale et arriver à créer des nouveaux synapses. Eh bien, on est prêt. Alors, pour commencer, on va pouvoir s'installer pour ceux qui sont dans un siège, installé confortablement, mais jamais totalement au fond de son siège, ou sinon essayer de rester le plus droit possible au fond de son siège. L'installation, on peut mettre les mains sur ses cuisses, si on veut mettre les paumes vers le ciel parce qu'on est plus à l'aise au niveau des coudes, on le fait. Par contre, on descend les épaules, ça c'est obligatoire. On enlève le maximum de tension au niveau du cou, des trapèzes et du haut du dos. Pour libérer, on va dire l'axe méningé, c'est tout ce qui concerne le bas du crâne et le crâne. On va pouvoir prendre d'abord une grande inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. On relâche complètement. Donc là, on détend complètement le diaphragme. On reste bien droit. Et on va commencer par détendre le sommet du crâne. On se concentre que l'inspiration par le nez, expiration par le nez, à votre rythme. On ne force jamais l'inspiration, expiration. On laisse faire son travail. On détend le sommet du crâne, le cuir chevelu. On lisse le front. On va desserrer les sourcils. On va laisser les paupières s'abaisser, les yeux peuvent vaciller sous les paupières, on les laisse, on ne contrôle pas. On détend les pommettes, l'arête du nez, la mâchoire. On laisse reposer la langue où elle veut se reposer. On peut desserrer un petit peu la mâchoire, même si on inspire et on expire par le nez. Et on détend toute la tête, complètement détendue. On va pouvoir détendre le cou. On peut déglutir quand on a envie de déglutir. Les épaules, les trapèzes. Tout ça, on relâche, on doit ressentir la descente petit à petit vers le siège. Tout descend vers le bas. Petit à petit, on relâche et on n'oublie pas d'inspirer par le nez et d'expirer par le nez. On va détendre les bras jusqu'aux coudes, puis les avant-bras jusqu'aux poignets, puis les poignets jusqu'au bout des doigts, jusqu'à la pulpe des doigts. On va pouvoir détendre la poitrine, toujours en restant droit, juste en relâchant les tensions. Vous devez sentir s'ouvrir votre poitrine un peu plus, à chaque inspiration ou expiration. On va pouvoir détendre le diaphragme, puis l'abdomen. On va revenir à la nuque pour détendre vertèbre par vertèbre. Et quand on arrive aux omoplates, on les laisse se séparer à chaque inspiration pour détendre un peu plus le tonus musculaire. Et on continue de descendre vertèbre par vertèbre. On inspire, on détend, on expire, on relâche. On va pouvoir, une fois qu'on est descendu jusqu'en bas de la colonne, détendre les fessiers, toute la ceinture pelvienne, puis sentir les cuisses sous nos mains pour les détendre. Ressentir le siège au niveau de nos cuisses, nos fesses. Et on détend le haut des jambes jusqu'aux genoux. Puis on détend les genoux jusqu'au tibia. Puis du tibia jusqu'à la cheville. On relâche les pieds, mais on ressent les pieds dans nos chaussures au contact du sol. Et on détend jusqu'à la pulpe des orteils. On va pouvoir prendre trois grandes inspirations par le nez, trois grandes expirations par le nez. On inspire. Et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Complètement détendu et relâché. On écoute ce qui se passe en nous, les phénomènes, ce qui se passe en nous, c'est-à-dire tout ce que vous ressentez, les fourmillements, la détente, même les petites douleurs sont acceptées. Les pensées, les projections, on les laisse passer, on ne s'identifie pas. On accepte, on est serein, relâché et détendu. Maintenant, vous allez pouvoir vous imaginer dans votre petite salle noire. Vous allez imaginer un sujet qui vous tracasse en ce moment. Une fois que vous avez votre sujet, vous êtes dans votre salle, à l'endroit où vous êtes. Dans votre voiture, au bureau, dans votre chambre, salon, dans la nature, peu importe. Vous êtes là où vous êtes, vous imaginez qu'il y a une salle noire avec votre sujet. Maintenant, vous allez pouvoir, comme si vous planiez, Vous levez de votre siège mentalement seulement, comme si vous voliez. Vous allez voler au ralenti. Il y a le plafond de votre salle juste au-dessus. Vous le passez tel quel, sans problème. Vous êtes au-dessus de votre salle, au-dessus de votre sujet qui tracasse. Vous flottez au-dessus. Et vous êtes serein et détendu comme tout à l'heure pourtant. Vous voyez votre sujet qui a l'air tout de suite un peu plus petit, dans sa boîte noire, tout seul, sans vous. Finalement, ce sujet qui vous tracasse n'est pas si énorme que ça. Il se contient dans une salle noire que vous pouvez voir. Et maintenant, vous allez vous envoler un peu plus. Vous allez vous imaginer au-dessus de cette salle noire, au-dessus de votre bureau, de votre maison, de votre voiture, à quelques mètres de plus en plus haut. Et plus vous montez, plus vous êtes serein et détendu. Plus vous montez, plus vous avez le sourire. Plus vous montez, plus votre petite boîte, votre petit sujet est tout petit, vraiment tout petit. Regardez-le comme c'est finalement minuscule et que ça pèse rien dans votre vie comparé à tout ce qui vous arrive de bien. Tous les gens qui vous apprécient et qui vous aiment. Même tout l'amour que vous pouvez distribuer, c'est rien comparé à cette toute petite boîte. Et vous allez pouvoir encore survoler, là vous arrivez au-dessus des arbres, au-dessus des immeubles, au-dessus des nuages. Vous voyez même plus cette petite boîte ou juste un tout petit point noir. Ce sujet est vraiment ridicule, une petite poussière qui pourrait être balayée par le vent. Et là, vous allez encore pouvoir monter, encore, au-dessus de tout ça, bien au-dessus de l'Himalaya. Là, vous êtes bien, vous êtes au calme, détendu, serein. Vous voyez tout, vraiment, avec beaucoup de recul, tout léger, vous êtes vraiment léger, comme l'air. Mais c'est vous qui contrôlez la montée. Vous allez pouvoir monter encore un peu plus. Là, vous êtes carrément au-dessus de la terre. Vous voyez cette terre belle, bleue. Vous ne voyez pas les problèmes et les petites boîtes des autres, non. Ils sont petits comme des poussières. Vous voyez que ce qui est beau, ce qui est léger et serein. Et là, vous arrivez même sur la lune. Et la lune, quand elle est éclairée, il fait beau. Voyez cette belle terre, toute bleue, et il n'y a plus ce petit problème. Maintenant, vous allez pouvoir revenir à la vitesse que vous voulez. Vous pouvez même aller plus vite, avec plus d'énergie, plus de sourire. Vous revenez là où vous voulez, à l'endroit où vous êtes, mais il n'y a plus de ce petit problème, il n'y a plus de boîte noire. Il y a juste vous, ce que vous ressentez dans votre corps, et le moment présent. Vous pouvez inspirer ce sentiment de bien-être par le nez. On inspire ce sentiment de bien-être et de légèreté. Et on expire par le nez tout ce sentiment qu'on va mettre dans tout son corps, jusqu'à temps qu'on redescende sur notre siège. On inspire ce bien-être et on expire et on arrive sur notre siège, assis au bon endroit. On va pouvoir bouger les orteils et les doigts, puis les jambes, puis ressentir tout ce qui se passe sur nos fesses, le siège. On va pouvoir bouger les épaules, tourner un petit peu vers l'arrière, puis bouger les bras. Tournez un petit peu. Pour ceux qui sont debout, vous pouvez commencer à gesticuler un petit peu tout le corps. Tournez un peu à gauche et à droite. Ceux qui veulent bâiller, ils bâillent. Très bon pour la santé. Maintenant, vous pouvez éveiller tout votre corps. Frottez un peu vos jambes, vos bras, vos épaules, votre poitrine, votre tête. C'est important de frotter sa tête. Et une fois que c'est fait, vous pouvez ouvrir les yeux quand vous voulez. Et revenir parmi nous. Et je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à le faire dès que vous avez besoin de prendre du recul. Merci Antoine. Merci à vous. Merci pour ce moment de détente que vous pouvez réécouter sur la page Facebook de Radioactive, dans votre salon. Pourquoi pas dans votre voiture, mais garez-vous avant, bien sûr. Merci beaucoup Antoine. Merci à vous, c'est toujours très agréable. À une prochaine chronique. À la prochaine.